La foire d'Empogne. Personnage, Napoléon, Louis XVIII, Fouché. D'Assonville, le duc de Blacas, le maréchal, le factionnaire français, le factionnaire anglais, le sergent anglais, l'officier anglais, l'huissier de la chambre du roi, Roustan, un homme du palais. Le palais des Tuileries, c'est une toile, une porte dans une cour, en scène, un factionnaire à bonnet à poil. Tous les personnages ont les traits un peu grossis, des ventres exagérés comme sur les caricatures anglaises de l'époque. On entend un roulement de voiture, le factionnaire se fige, présente les armes et crie « Vive le roi !» Le sergent « Trop tard !» La voiture de Sa Majesté Louis XVIII fonce sur la porte de la Villette vers les Flandres, le factionnaire. « Alors vive l'empereur !» Vous savez, sergent, en France, on a l'habitude. Trop tôt. La voiture de Sa Majesté l'Empereur débouche à peine rue Saint-Honoré, dans le même concours délirant de peuple qui a clamé la famille royale il y a 6 mois. Le factionnaire. Alors vive la République, moi je m'en fous, papa a tout servi. Sergent, il n'en est pas question. Vous me ferez 4 jours. Vous avez l'air d'avoir mauvais esprit, vous. Êtes-vous bien que je vous ai à l'œil. Il sort entre Fouché et D'Assonville. D'Assonville. Combien lui donnez-vous, monsieur le duc d'Otrante? Fouché. 100 jours. Très exactement. Vous paraissez être dans les secrets de l'histoire. Un peu. Je la fais. C'est amusant? Ça serait amusant s'il y avait de l'imprévu. Mais l'équilibre des forces en présence connu, le lourd glissement du destin sur l'un ou l'autre plateau de la balance n'est plus une surprise que pour les imbéciles. D'Assonville pincé. J'en suis un, car je vous l'avoue que ce retour de l'empereur... Vous l'imaginiez finissant comme un chef de bataillon en retraite entre ces 1000 hommes à l'île d'Elbe, un acteur pareil? Vous ne connaissez pas le théâtre. Il sait qu'il est perdu, mais il vient se faire une sortie. Il avait raté la première fois. Pourtant, les adieux de Fontainebleau, j'y étais, j'ai pleuré. Il y avait de quoi pour un jeune homme. La scène était bonne, quoique un peu attendue pour mon goût. J'aime un théâtre plus subtil. Mais il y a eu un peu loin de la dernière réplique face au public à la coulisse. La fuite sous les huées, à travers la Provence hostile, la queue entre les jambes, déguisée en officier russe. Un homme aussi soucieux de son personnage ne pouvait en rester là. Il revient à nous donner une autre fin, sanglante s'il se peut, ou en tout cas plus noblement marquée par le destin. Dans le goût de la tragédie classique qu'il avait pris au cours de ses leçons de diction avec Talba. Soyez sûr qu'il ne revient même que pour cela. Vous croyez qu'il n'espère pas? Vraiment? On peut dire beaucoup de choses contre lui, mais certes pas qu'il est bête. Il connaît exactement ses chances. Seulement, le malheur veut que pour sa sortie, il ait besoin de figurants. Il a toujours monté des représentations à grand spectacle. La France venait d'obtenir des alliés des conditions inespérées, grâce à un aimable tour de passe-passe qui nous avait présenté tous autant que nous sommes comme les victimes du tyran. Les frontières de 92. C'était joli dans la corbeille de la royauté. Dans 3 mois... Les alliés revenus en vainqueur, et la France, et l'ayant encore une fois accueillie comme une midinette qui se jette au cou d'un ruffian, adieu notre aimable fiction. Laissez-moi vous dire que cette fois, les conditions seront sanglantes. Nous serons occupés, morcelés, pressurés, violés. Je parle des dames. Vous croyez qu'il n'a pas pensé à cela? Si, probablement, mais il s'en fout. La France, ça n'a jamais été ses oignons. Lui, il travaille pour la maison Bonaparte. Vous êtes dur. Vous êtes tendre. Mon petit lieutenant, c'est ce qui explique votre présence ici. Vous n'avez pas eu le temps de le connaître. Et la vôtre? Ma quoi? Votre présence ici, comment l'expliquez-vous? Ça, c'est une leçon qui n'est pas de votre âge. Je ne veux pas gâcher prématurément votre bon naturel. J'aime que la jeunesse ait des idées généreuses, comme tous les hommes d'État, d'ailleurs. Sans vos pareils, nous n'aurions plus personne pour nous suivre. Toutes nos belles décisions dans le vide... Ça serait là, à son vil méprisant. Vous suivre dans toutes les directions? Non, dans une seule direction à la fois. Et quand on change, on trouve une autre jeunesse également éprise d'absolu. D'un autre absolu, il y en a plusieurs. Mais entrons dans le palais à enlever les fleurs des lys des vases. Ce parfum risquerait de l'incommoder. Vous m'êtes très sympathique. Et j'aimais bien madame votre mère, qui ne me l'a d'ailleurs jamais rendue. Permettez-moi de m'en féliciter, monsieur Fouché. C'est une si vieille histoire. J'étais encore oratorien. Mais c'est cela, insultez-moi. J'adore que la jeunesse m'insulte, ça me rassure sur mon sens politique. Servez l'empereur revenu, mon petit chérubin. Dans 2 mois, 2 mois et demi peut-être, Je vous ferai signe. Attends. J'espère vous dispenser de ce soin, monsieur le duc. L'Europe va nous fondre dessus à 10-1. Dans 2 mois, 2 mois et demi, il y a beaucoup de chances pour que je sois mort. Proprement. Quel grand mot pour une si vilaine chose. Il faut pas mourir, jeune homme, il faut durer. C'est bien plus drôle. Surtout dans un pays comme le nôtre. Après chaque catastrophe politique en France, il y a quelque chose de réjouissant à observer dans le comportement des hommes. Ils sont entrés dans le palais, le factionnaire se redresse, présente les armes, entre Napoléon, suivi de Roustan et d'un maréchal rutilant. La sentinelle clame, après une imperceptible hésitation, « Vive l'Empereur !» Napoléon, bien mon brave. Voilà un cri du cœur jaillit spontanément, comme j'aime à les entendre. Tu es ma première sentinelle parisienne. Qui t'a mis en faction là? Le capitaine des gardes du corps de Sa Majesté. Majesté, monsieur le duc de Duras. Tu ne connais pas. En tout cas, tu as eu un bon réflexe. Comment t'appelles-tu? Dupont. J'ai connu un Dupont à Hélo. Un brave. Je lui ai pincé l'oreille sur le champ de bataille. Tu vois que j'ai de la mémoire. Je reconnais toujours mes vieux amis. Ça devait être l'oreille de mon père, Majesté. Ou d'un de mes oncles. Je suis de la classe 13. Napoléon vexé. C'est la même chose. Je te fais caporal, maréchal. Vous notez le nom de cet homme. Tu peux disposer. Qui relève ma garde? Personne. Je reviens comme un père au milieu de ses enfants. Je n'ai plus besoin de garde. Le factionnaire présente les armes et sort. Le maréchal est rêveur devant ses tablettes. Le maréchal. Nous avons oublié de lui demander son prénom. J'ai déjà noté 113 Dupont depuis Grenoble, sans compter les Durand. Ça va faire une promotion un peu embrouillée et forcément un peu lente. Où nous n'aurons plus que des capots. Napoléon qui a fait un signe à Roustan qui déplie son petit tabouret de campagne. La France est patiente, maréchal. Vous n'entrez pas, sire? Pas tout de suite. Je bivouaque. J'attends qu'on fasse le ménage. Il paraît que Louis XVIII occupait ma chambre. Comme il a dû partir un peu précipitamment, je ne tiens pas à me trouver nez à nez avec ses vieilles pantoufles fleurdelysées. Quel manque de tact pour un homme si bien élevé, couché dans mon lit, dès le premier soir. Ce lit avait été précédemment le lit de son frère, Majesté. Erreur. Je détestais le style Louis XVI. Je l'avais fait remplacer. C'était un lit signé Fontaine et Percy, un lit empire, avec des sphinx. Ils ont dû être bien étonnés de voir ce bonhomme obèse se glisser à ma place. Il en faut beaucoup plus pour étonner un sphinx, Majesté. Ils en ont vu d'autres, depuis le temps. Napoléon le regarde en dessous. Je vois qu'on n'a plus très bon esprit. Vous regrettez de ne pas m'avoir arrêté, comme vous l'aviez juré à Louis XVIII? Je ne regrette jamais rien, sire. J'avance, au hasard d'ailleurs. Je me suis présenté devant vos hommes. Je leur ai crié « Tirez sur votre empereur !» en en trouvant mardingote. Ce qui était un geste superflu, j'en conviens. Il fallait commander feu. Mes hommes n'auraient pas tiré. Ils savaient que vous aviez fait le même geste à Lyon. Ils ne voulaient pas en être de reste avec leurs camarades. Et puis, ce n'était déjà plus possible. Je vous avais revu. Napoléon se lève avec passion soudain et crie « Vous parlez de moi comme d'une femme !» J'aime pas tenir la France du charme seul de mon regard. Je peux pas apparaître et pincer l'oreille à tout le monde pour plaire comme une putain. Et l'impératrice régente, et mon fils le roi de Rome, et la mission du Sénat conservateur, personne n'y a pensé, moi, absent. C'était clair, pourtant. N'était plus vous. Napoléon contemple soudain les Tuileries avec haine, il murmure « Lui, il y aura suffi de paraître il y a 10 mois, tout obèse, oublié depuis 19 ans, sans avoir même jamais remporté une seule victoire et sans s'être donné la peine de susciter le moindre mouvement d'enthousiasme populaire. Vieille race. Les raisons, maréchal, c'est son palais. Et j'y reviens comme un crocheteur pour la seconde fois. Entrons. » Il entre rapidement dans les Tuileries, suivi du maréchal et de Roustan. Le mur se soulève, on se trouve dans la chambre de Louis XVIII, où l'attendait Fouché. Un homme de service achève de balayer un tas d'ordures dans un coin. Napoléon fait les 100 pas impatient. Fouché attend. Napoléon. Que balaye cet homme? Les vieux papiers confidentiels de la royauté, si. Au dernier moment, dans la hâte, on n'a pas dû trouver de briques. Vous les avez lus? Bien sûr. Saute question. Chez moi, quand je rentrais inopinément, je vous ai toujours trouvé à quatre pattes devant ma corbeille. Fouché sourit. Une seule fois, sire, qui m'a servi de leçon, vous m'avez chassé à coups de botte. Et vous allez me faire croire que vous n'avez plus recommencé. Non, sire, je n'essaierai pas de vous faire croire une chose pareille, vous perdriez toute confiance en moi. C'était mon métier de fouiller les corbeilles en tant que ministre de la police. Depuis cette algarade, j'ai pris des précautions. Voilà tout. Napoléon a un regard à l'homme qui sort en balayant son tas de papiers. Rien d'intéressant, vous êtes sûr, là-dedans. Tout ce qui est intéressant est dans ma poche pour le service de votre majesté. Napoléon, quand l'homme est sorti, montrez. Fouché sort des papiers d'une poche, puis... Non, il se ravise, pas celle-là, pardon. Napoléon bondit. Ah, si, celle-là, précisément, monsieur le duc d'Otrante, c'est la poche de votre service, celle du mien m'intéresse certainement moins. Fouché génial, le poignet tordu. Majesté, comme ces jeux brutaux sont déplacés, ce n'est plus de nos âges, je n'ai aucune force physique. Vous en profitez, Napoléon. Bien sûr, il a fallu que je profite de tout, moi, dans ma vie. Je suis pas né sur un trône, moi. Fouché lâchant ses papiers. Ah, c'est pas Louis XVIII qui ferait ça. On a beau dire la légitimité. Napoléon goguenard. C'est vrai, mais nous sommes entre truands, monsieur le duc. Vous le regrettez déjà, votre roi. Vous aviez pourtant fait guillotiner le précédent, si je crois me rappeler. Fouché se frottant le poignet, vexé. Marquez qu'avec un homme de ma force, vous ne saurez jamais si j'ai pas fait semblant de me tromper de poche pour vous duper. Napoléon, qui a été s'asseoir tranquillement pour lire les papiers, soyez tranquille, je le saurai, vous me connaissez, je fouillerai les deux. Il lit un peu, puis s'exclame. Mais c'est très intéressant, Fouché. Venez voir. Fouché s'approche en boudeur. J'ai déjà lu. C'était quelle poche? La bonne, sûrement. Fouché piteux, lisant par-dessus son épaule. Oui, c'était la bonne. Napoléon lisant. Une liste de suspects, datée d'il y a 3 semaines. La duchesse de Saint-Leu, Madame Hamelin, Carnot, Regnault de Saint-Angely, Lavalette, Montalivet, 12 sénateurs. C'est une liste complète de proscriptions de tous ceux qui préparaient mon retour. Il y a 3 semaines, Louis XVIII savait, et il n'a rien fait. Le jocrisse. Avec moi, tout ce joli monde était passé dans les fossés de Vincennes. La résistance étouffée dans l'œuf et je ne revenais pas. Ah, j'aurais voulu être à sa place. Ah, Fouché, calme. Vous y êtes, sire. Napoléon rêveur. Qui a pu lui procurer cette liste? Fouché, il est probable que nous ne le saurons jamais. Il demande avec une certaine hâte. Vous avez lu le second document? Napoléon, qui étudie la liste, crie soudain. Et dites-moi, Fouché, sire, vous n'êtes pas dessus. Fouché un peu démonté. Votre majesté a peut-être mal lu. Napoléon lui tend le papier en silence. Fouché a un geste. C'est stupide, j'ai oublié mes lunettes. C'est écrit très gros. Fouché relit attentivement la liste de très près. Il y a un nom surchargé. La marque, et on a mis par-dessus le marchand, pas de F. Même en cherchant bien, le L a resservi. Fouché piteux constate, pas de F. C'est un oubli que je ne m'explique pas. Napoléon le considère narquois. Que dites-vous de cela, monsieur le ministre de la police? C'est un genre de déduction qui vous est familier. Je dis que c'est plutôt vexant. On m'a considéré comme une quantité négligeable. Votre majesté devrait avoir la charité de ne pas insister. Napoléon froid, comptez-y, je vous fais arrêter. Il va sonner un cordon. Fouché calme. Pas les sonnettes, majesté. Nous venons d'arriver. C'est encore le personnel de Louis XVIII qui leur obéit. Un huissier paraît. Napoléon. Qui êtes-vous? Le premier huissier de la chambre du roi, sire. Appelez-moi le capitaine des gardes. Monsieur le duc de Duras est en voyage, sire. Appelez-moi le premier soldat que vous verrez par les fenêtres. Faites-le monter. L'huissier sort. Napoléon fait les 100 pas en silence. Fouché doucement. Vous allez faire un geste inconsidéré, sire. Vous avez besoin de moi et vous êtes très démunis. Entre le factionnaire. Napoléon. Ah, c'est Dubois, mon vieux camarade de Wagram. Dupont, majesté, Dello. Enfin, son fils. Napoléon rectifie, vexé. Dupont, c'est la même chose. Il désigne Fouché. Arrête cet homme. Conduis-le au corps de garde. T'es encore un sergent? Ah oui, majesté. Comme je suis son seul soldat, il est toujours après moi. Remets-lui le prisonnier et dis-lui qu'il m'en répond sur sa tête. Le factionnaire va se placer dans un bruit d'armes près de Fouché, qui hausse les épaules et sort le précédent. Napoléon retourne au tas de papiers qu'il lit fiévreusement, poussant de temps en temps une exclamation. Soudain, il s'écrie « Par exemple, Fouché, venez voir !» Il regarde autour de lui et il appelle encore « Fouché !» Il va sonner, entre d'Assonville. « Napoléon, qui êtes-vous ? » « Lieutenant d'Assonville, deuxième voltigeur. » Napoléon, heureusement surpris. « Ça existe encore, le deuxième voltigeur ?» D'Assonville, rougissant comme une jeune fille, charmant. « Et à moi ?» Napoléon s'exclame soudain ravi. « Ah, comme il a bien dit ça !»« Et à moi ?» « Ah, Paris, Paris !» Depuis que j'ai sauté de ma barque à Golfe-Juan, j'ai retourné 60 municipalités comme des vestes. J'ai rallié 30 régiments, fait surgir de partout des hordes de paysans puants l'oignon et armés de faux sans aucune utilité tactique. Mais toi, avec ton sourire, tu viens de me redonner Paris. Tu es mon armée, mon petit lieutenant. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Je vais t'éclabousser de gloire. » Il lui pince l'oreille coquet et demande « Tu l'aimes bien, ton empereur ?» D'Assonville, fondant d'émotion, mais sans trace de ridicule, seulement très jeune. « Sire, je veux mourir pour vous. » Napoléon, c'est très bien, ça, c'est très bien. D'Assonville, tout petit au lycée impérial, c'est pour vous que je travaillais. Chaque devoir de mathématiques, j'étais peu doué, mais je restais la nuit entière jusqu'à ce que je le comprenne. Je vous l'offrais comme ma vie. Napoléon, très vieille vedette. « C'est charmant, c'est charmant. » Le petit élève du lycée impérial qui remet sa vie avec sa copie pour son empereur. Un joli sujet de chanson, ça, pour des Bérangers. Il faudra lui faire dire. Hein. « Nous ferons de grandes choses ensemble, mon petit. Je t'éclabousserai de gloire. » Il constate soudain froid. « Je vous l'ai d'ailleurs déjà dit. » D'Assonville, au bord de l'évanouissement. « Oh, sire, mourir pour vous. » Napoléon, encore une petite tape gentille, mais... pense déjà à autre chose. Nous verrons ça, nous verrons ça. Marcher des kilomètres et des kilomètres dans le froid et dans la nuit, avec mon bras blessé comme en Russie. Veillez sur votre sommeil, qu'on vienne pour vous tuer, qu'on me tue à votre place, que vous ne vous réveilliez même pas et qu'on oublie même de vous dire mon nom. Être puni par vous et que ce soit injuste et ne jamais me plaindre. Napoléon distrait. C'est très bien, c'est très bien. Tout ça part d'un bon sentiment. Bon, où en étions-nous ? J'avais sonné Fouché. Ce palais est plein de surprises. Qui êtes-vous ? Lieutenant d'Assonville, deuxième voltigeur. C'est vrai. Votre corps va être reconstitué dans les plus brefs délais, lieutenant. Dites au maréchal qu'il revienne dès que j'en aurai fini avec le duc d'Otrante. Il se retourne, s'éloignant. Vous lui direz aussi que je vous fais capitaine. D'Assonville, gentiment. Sire, nous allons avoir bien des occasions de courage. Je préférerais le devenir après une action d'éclat. Napoléon se retourne un peu étonné. Mais c'en est une d'être là, le premier. Non, ce n'est qu'une très grande chance. Je voudrais pouvoir donner autre chose à mon empereur qu'un concours heureux de circonstances. Napoléon le considère, l'œil froid, en silence, comme désagréablement surpris. Il dit enfin d'un autre ton, « Vous avez de la rigueur ? Eh bien. » Quoiqu'au cours de mon règne, j'ai pu remarquer qu'on ne faisait rien de bon qu'avec les fripouilles. Il n'y a qu'avec elles qu'on peut causer. Voyez Fouché. Je viens de le faire coffrer pour trahison et j'ai déjà besoin de lui. Vous resterez lieutenant, mon garçon. Il ajoute hargneux. Et puisque vous voulez jouer au petit soldat avec moi, je vous préviens que vous mettrez très longtemps à passer capitaine. Je ne demande rien. J'ai horreur de ça. J'aime acheter quand j'en ai envie. C'est sans utilité ni conscience. Les derniers temps, mes maréchaux me demandaient des 500 000 francs, des 1 million, comme des acteurs au cachet exorbitant pour accepter de participer à une campagne. J'adorais ça, ça me rassurait. Je leur laissais faire des statues, en plus pour le peuple qui, lui, a besoin d'histoire en images. Ils demandent soudain, excités, « Vous croyez que ce vieux ladre de Louis XVIII leur a offert davantage lorsqu'ils sont passés à lui ?» Vos maréchaux sont des héros et des patriotes, sire. S'ils ont cru devoir juger... en leur âme et conscience. Mais je vous dis que j'ai horreur des consciences, ça finit toujours par être embarrassant pour gouverner. J'aime les héros qui ont peur de moi et qui se font payer très cher. Ça me rassure. Les hommes désintéressés, c'est toujours hors de prix. Il sourit rassuré. Non, le gros n'a pas dû les payer plus cher que moi. Ils n'avaient pas un sou. Ils ont dû se vendre tout simplement en échange du droit de conserver ce que je leur avais donné. Il les a eus au rabais, comme mon lit. Il marche un peu rêvant. Quelle foire d'empoigne l'histoire de France. C'est pour ça que je l'aime, en bloc, depuis ce petit Tartuffe de Robespierre jusqu'au connétable de Bourbon. Il s'est mis à marcher au pas de chasseur dans la pièce, tournant vite avec des grâces du pied, les mains derrière le dos, son petit ventre en avant. Mon petit lieutenant, je la reprends en main. Ma France, il déclame en marchant. Ô Corse à cheveux plats, que ta France était belle au grand soleil de Messidor. C'était une cavale indomptée et rebelle. Rappelez-moi donc le nom d'imbécile qui a écrit ça. Barbier, sire. Barbier, d'Estance. L'inspiration lui est venue un peu vite, celui-là. Il faudra me faire penser à lui demain matin, au cas où il ne se serait pas sauvé quand j'aurai un ministre de la police qui ne sera pas en prison. D'Assonville, un peu triste. Votre Majesté compte faire une épuration ? Napoléon frappé. Épuré ! Voilà un mot auquel je n'aurais pas pensé. Il considère D'Assonville. Vous ne manquez pas de talent, mon petit. C'est dommage que vous soyez dans la lune, je vous aurais employé. Jusqu'ici, on avait toujours parlé de répression, c'était trop franc. Il se met le mot dans la bouche avec ravissement. L'épuration, ça vous a un petit air hygiénique. C'est une trouvaille, ça. Vous avez des tablettes ? D'Assonville les lui tend. Je note le mot. Il répète ravi. L'épuration. Épurge, peut-être. Non, ça fait sale, ça fait conique. L'épuration. Je note aussi le nom de l'imbécile, tant que j'y suis. Comment dites-vous déjà ? Barbier. Il note, puis se ravise et raye. Non, tout de même. Va commencer ma liste d'épurés par un nom d'homme de lettres. Ils ont déjà tendance à se donner plus d'importance qu'ils n'en ont. Je le ferai passer dans une charrette de comédiens ou de magistrats. Voyons, qui dois-je faire fusiller à votre avis ? Mes maréchaux ? Tout s'était passé au nouveau régime, sire. C'est juste. Et ils me sont d'ailleurs tous revenus comme un seul homme. Pas fou. Et puis j'ai besoin d'eux, nous allons nous battre. Ça serait une mauvaise idée. Tous sauf Marmont. Il a suivi le gros à Gand. Ah ! Nous voilà un premier nom. Le duc de Raguse. Je lui mets son titre, le peuple adore ça. Il aime bien les condamnés à mort qui ont des noms. Après, Talleyrand. Ça ne frappera personne. Il y a déjà au moins trois régimes qui ont parlé de le fusiller. Il cherche encore et sévère. Enfin, vous étiez là, nom d'un chien, pendant ce retour des Bourbons. Je vous demande des noms de collaborateurs. Vous avez des idées ou vous n'en avez pas ? Là-dessus, je n'en ai pas, sire. Je n'ai qu'un sang à offrir, le mien. Napoléon, le toise écœuré. Idéaliste, en plus. Décidément, vous avez de la chance que je n'ai personne d'autre sous la main, genre de parler tout seul. Alors, la clémence d'Auguste, vous croyez à ça, vous ? Il se met à déclamer en fatigue. Prends un siège, Sina, et avant toute chose, je crois qu'il faut refaire la France, sire, en l'unissant. L'empereur ne peut pas se conduire comme un chef de parti. Mon petit ami, nous ne sommes pas au théâtre, ou plutôt si, nous y sommes, mais pas dans la tragédie, dans le mélo, comme au boulevard du Temple. Moi, je suis un acteur de drame historique. Je travaillais pour toute la France, moi, pour la France des margotons qui s'attendrissent sans rien comprendre et des ouvriers qui aiment bien gueuler contre le traître au poulailler après un coup de rouge, pas pour une petite élite de raffinés. Je me dois à mon public. Votre Louis XVIII a pu revenir avec sa couronne et son gros ventre la 19e année de son règne fictif et dire « J'oublie tout ce qui s'est passé avant le jour de mon retour », y compris la mort du frérot. C'était assez noble, mais ça, c'est un effet qui a raté d'ailleurs, on ne l'a su aucun gré, bon pour la légitimité. Mon fils, ce blondinet qui fait un peu Habsbourg, pourra peut-être, si tout s'arrange, jouer ce rôle au milieu de son règne. Ah, j'aurais voulu être mon fils. Ça aurait été tellement plus simple. Mais moi, je me suis fait moi-même, les manches retroussées, et c'est dans un autre personnage qu'on m'attend. Vous avez pu remarquer que les grands acteurs vendaient presque toujours la même salade. Ils se sont fait aimer dans un certain emploi, après, il faut qu'ils continuent ou finit le succès. Je veux être terrible, comme après l'exécution du petit Anguin. Vous étiez trop jeune. Si vous aviez écouté ce silence dans Paris, on aurait entendu voler un mouchard. J'aime bien le silence de la peur. Eux aussi. La France gueule toujours après la liberté, mais elle ne sait pas s'en servir. Elle n'est heureuse qu'en serrant les fesses. Si cet imbécile de Louis XVI avait compris, enfin ça, c'est une autre histoire. Il rêve encore. Une nuance, pourtant. Je ne fais pas rentrer tout de suite l'impératrice ni le roi de Rome. Je ne me refais pas de cours. Mes frères se sont écroulés comme des rois de cartes qu'ils étaient. Je les laisse par terre. C'est la carte de la Révolution que je vais jouer maintenant. Je suis la révolution qui le revient, il s'exclame joyeux. Ça, c'est une idée, jeune homme. C'est mon atout maître contre le gros Louis. Vous voyez ça ? Je tire encore sur les marches de Saint-Roch. Je suis le petit général maigre sorti du rang du temps de Toulon. Et je les ai comme je veux. Et puis, ma cavale, comme dit l'imbécile, vient reprise en main. Il a un geste significatif, il se met à rire. Il s'arrête en voyant D'Assonville de glace. J'aime les confidents qui rient en même temps que moi. Vous ne riez pas ? Non, sire. Nous attendons de vous de la gloire et du sang, pas de la cuisine. Décidément, vous êtes trop bête. Allez me chercher Fouché. Où se trouve monsieur le duc d'Otrante ? Au poste de garde, en train d'attraper des puces. Je l'avais fait arrêter. Ramenez-le-moi. Je le mets aux arrêts ici pour l'avoir sous la main. Au moins avec lui, on peut parler. Dassonville salue et sort. Napoléon sonne, paraît Roustan. Napoléon, Roustan ! Le maréchal est là ? Fais-le entrer. Napoléon prend une prise rêveur. Roustan est sorti sans un mot. Il introduit le maréchal. Napoléon. Maréchal ! Je fais ma liste pour l'épuration. J'ai besoin de vous. Le maréchal surpris. L'épuration ? Oui, c'est un nouveau mot que j'ai trouvé. Répression n'est plus dans ma nouvelle ligne. Je reviens de mon île, vous comprenez, où moi je suis resté vierge, et pour cause, venger la France de ceux qui se sont donnés à un gouvernement à la solde de l'occupant. C'est clair. Ça fera beaucoup de monde. L'acceptation de la charte a été à peu près générale. Les coupables seront ceux que nous aurons désignés, et ça soulagera les autres, qui du coup se sentiront à l'abri. Voilà ce que j'appelle l'union, moi. L'union dans la frousse apaisée. Voyons, dans l'armée, j'ai déjà noté Raguse. Vous avez des idées ? Il me serait désagréable de donner des noms de camarades, sire, et de subalternes encore plus. Bon, je vois, je demanderai ça à un simple colonel. Je ne serai bien servi que par des gens qui attendent des places. Il marche. J'élargirai d'ailleurs le système. Je demanderai à un peintre raté, de préférence de l'Institut, des noms de peintre, à un auteur des noms d'auteur, à un professeur resté besogneux sa liste pour l'enseignement, à un petit substitut qui piétine de me donner des procureurs. Comme ça, je suis sûr d'avoir des noms. Si l'envie vous les donne, sire, ce seront ceux du talent, et vous décapiterez le pays. Ça repousse les têtes. Vous m'agacez, vous aussi, tiens. Vous pouvez sortir. Le maréchal sort, croisant Fouché que ramène Dassonville. Maréchal, vous n'êtes plus arrêté ? Fouché. Non. Et vous ? Pas encore ? Maréchal, ah, vite qu'on se batte, que j'y comprenne quelque chose. Il est sorti. Napoléon hausse les épaules à Fouché. Il n'est bon qu'à une arrière-garde, comme en Russie, un fusil à la main à faire le piou-piou. Mais il en faut aussi des comme ça. Approchez, Fouché. Fouché s'avance, calme. J'ai dit un jour à Talleyrand qu'il était de la merde dans un bas de soie. Talleyrand était un seigneur, un vrai, que je n'avais pas fait moi-même. Avec vous, ce n'est même pas dans un bas de soie. Je suis un fils du peuple, sire, et c'est précieux en ce moment. Si je comprends bien à travers ce que m'a dit ce petit dans l'escalier, ce que va être notre nouvelle ligne. Elle vous paraît bonne ? Fouché sourit. C'était celle que j'avais moi-même envisagé de proposer à votre majesté si nous avions eu le temps de parler sérieusement. Je redeviens l'homme de Lyon. Vous savez ce que c'est, vous, qu'une épuration ? Fouché un peu vulgaire. Un peu, sire. Sur la place des Brotteaux à Lyon, je les faisais mettre par rang 10 en 93 et rah ! Napoléon joyeux. Rah ! Laissez-nous, lieutenant, nous avons à travailler sérieusement. Dassonville sort. Il reste seul comme deux compères. Napoléon offre une prise à Fouché. Napoléon regarde sortir Dassonville un peu agacé et demande « Pourquoi est-il toujours fourré ici, ce garçon ? Vous le protégez ?»« C'est un fidèle, sire. J'ai pu m'en apercevoir. Aucun intérêt. Il a une adoration pour la personne de votre majesté. Il était le premier au palais à vous attendre. » Il ajoute après une courte hésitation « Et puis, j'ai beaucoup connu sa mère. » Napoléon, dont l'œil s'allume. « Ah ! Farceur !» Il lui offre une autre prise. « Quand les affaires pressent, il faut se détendre l'esprit. Allez-y, j'adore les histoires salées. Celle-ci a un siècle. J'étais encore oratorien. Attention ! Rien contre la religion, hein ? J'aime la gaudriole, comme tous les Français, mais je n'admets pas que l'on touche à la religion. Et dans la nouvelle ligne, non plus ! La révolution, notre mère à tous, tant qu'ils voudront ! Les grands principes et les parlottes, c'est sans danger et ça les distraira. Mais rien contre la religion, c'est trop utile. Là, je paie et je protège. Qui tient le curé tient la femme et qui tient la femme tient l'homme, 9 fois sur 10. Alors, je vous passerai le début, qui est dans le goût des histoires galantes du siècle dernier qu'on a dit heureux. Ils étaient châtelains de mon pays. Je confessais la mère et la fille. La fille, elle, me résistait. Je comprends ça. Vous êtes un des hommes les plus laids que j'ai jamais vus, Fouché. Il ne faut jamais désespérer, sire. Je dois dire que j'étais sincèrement épris de cette jeune fille. C'est peut-être tout ce qui a jamais eu de sincère dans ma vie. Je la retrouve en pleine terreur à Lyon, mariée, naturellement, ci-devant, et compromise, enfermée tous les deux dans la plus mauvaise prison, celle dont on ne sortait pas. Lui, le coup, déjà à demi-tranché. Situation classique, je sauve l'homme, Napoléon rigolant assez ignoble, et vous faites payer la femme. Par une erreur incompréhensible du greffier, le nom de l'homme était tout de même resté sur la liste du tribunal révolutionnaire, un contretemps administratif. Mais bien entendu, la femme est élargie. Je lui fais rendre ses biens, j'étais tout puissant à Lyon. 9 mois après, elle a couché d'un fils posthume que je me suis arrangé pour protéger de loin. Napoléon ricanant. Quelle histoire atroce, être votre fils fouché. Oh. Et vous avez revu la mère? Non, j'étais redevenu laid. Ajoutez l'horreur de cette mort accidentelle et du sacrifice inutile, il n'y avait vraiment aucun espoir. Comblé de titres et de biens, grâce aux bontés de votre majesté, j'ai eu depuis beaucoup de maîtresses, et, quoique toujours aussi laid, de fort belles femmes. Avec un peu de la menue monnaie du pouvoir, un homme même laid peut choisir. Mais bien que cette première personne, quand j'y repense de sang-froid, ait dû être une jeune fille assez insignifiante, vous avez, grâce à ce curieux concours de circonstances, un ministre de la police qui est positivement resté puceau, sire. Je n'ai jamais fait l'amour. Napoléon qui le considère de glace. C'est une histoire triste. Je ne les aime pas. J'ai sans doute eu tort de me découvrir un peu devant votre majesté en lui disant pour la première fois quelque chose de vrai sur moi. Napoléon froid. Sans doute. Fouché à l'ombre d'un sourire sur ses lèvres minces. Mais je dois ajouter, pour réparer un peu ma maladresse, autant que faire se peut, que cette dame était d'origine créole, et une amie intime de mademoiselle Tachère de la Pagerie, avant même que cette dernière n'épousât le vicomte de Beauharnais. J'ai su par elle beaucoup de choses que nous sommes seuls, majesté, à savoir. Napoléon le regarde, ce sont deux serpents l'un en face de l'autre. Nous en savons trop long, tous les deux l'un sur l'autre, monsieur le duc d'Otrante. Seulement, c'est moi qui ai le bras le plus long et la meilleure mémoire. C'est exact, sire, mais mes archives en cas de défaillance de la mienne sont en lieu sûr. Napoléon a un geste qui remet le règlement à plus tard. C'est bon. Reprenons donc notre conversation au point où nous l'avions laissée, avant l'heureuse nouvelle de cette naissance. Vous ne comptiez pas me demander d'être le parrain de l'enfant? Non, sire, il est pourvu. Madame d'Assonville était également l'amie intime du prince de Talleyrand, qui a bien voulu accepter de tenir son fils sur les fonds. Napoléon amer, je vois que le réseau se tient. Vous êtes détendu assez bien, sire. C'est pourquoi nous pouvons reprendre en toute liberté d'esprit notre précédent échange d'idées. Napoléon. J'irai. Revenons à nos moutons, Fouché, pour les égorger et pour les tondre. L'épuration achevée, je fais une levée de recrues et je lance un nouveau train d'impôts. La guerre m'est imposée par une Europe avide de sang, Fouché. Je dois me défendre. La France a besoin d'hommes et d'argent, comme toujours. C'est là que nous allons commencer à parler sérieusement. J'espère que vous n'y êtes pas passé avant moi. Il paraît que le trésor est intact. J'y suis passé, bien sûr, c'est toujours là qu'on va d'abord. Il l'est, sire. C'est invraisemblable, mais il l'est. Et votre majesté sait ce qu'a fait en partant le duc de Feltre, chef de la maison du roi. Il a pris dans la caisse la somme nécessaire au voyage de Gand, pas un sou de plus, et il en a déposé un reçu pour la France. Napoléon secoué d'un rire heureux. On n'a même plus de plaisir à lutter contre des gens comme ça. Vous voyez les servants fouchés. Mais vous vous ennuieriez à crever tel que je vous connais. Qui sait si, comme toutes les canailles vieillissantes et maintenant pourvues, je dois avouer à votre majesté qu'il y a au fond de mon cœur quelque chose qui ressemble à une nostalgie de l'honnêteté. Peut-être ce jeune homme retrouvé qui me rappelle ma jeunesse. Napoléon redevenu froid, le coupe. Pas de nostalgie avec moi, hein, s'il vous plaît, Fouché. C'est pas mon genre. Il ajoute insidieux. D'autant plus que, sans vous en douter, vous m'avez tout de même laissé marquer un point tout à l'heure. Ce jeune homme, si je comprends bien, ne le sait pas, lui, que vous êtes son père. Ça serait bien triste qu'il l'apprenne. Non. Je s'incline et dit simplement, bien joué. Je suis tout à vous, sire. Napoléon s'asseyant et prenant ses papiers. Alors, profitons-en, ça peut ne pas durer. Commençons cette liste de fusillés. J'espère que vous avez des noms, vous. Il se frotte les mains, Fouché riant. Un annuaire, sire. Tandis qu'il commence à travailler, le rideau représentant les Tuileries tombe sur eux. Le factionnaire reprend sa garde. Il se met à faire les 100 pas. Au loin, on entend le canon. Brusquement, le canon se tait. Le roulement d'une voiture, le factionnaire se met soudain à présenter les armes et à crier comme au début le factionnaire « Vive le roi !» Le sergent surgit. « C'est bien !» Mais ne le criez pas non plus tout le temps. Avec l'empereur, on pouvait y aller toutes les 5 minutes. Ça faisait partie de l'atmosphère d'enthousiasme à entretenir. Avec les Bourbons re-revenus, et bien revenus, puisque les Russes et les Prussiens sont là, on a des siècles derrière et peut-être devant nous. Alors, mollo. Contentez-vous de présenter les armes comme le prescrit le règlement intérieur. Il l'inspecte et ajoute, vous me ferez tout de même 4 jours à cause du 3e bouton. Il sort le factionnaire amer et on appelle ça changer de régime.